Chapitre troisième. Ce n'est pas un poète, le père Bourgueil. Il n'a pas une nature très délicate, mais tout de même, il a des sensations, comme vous et moi. Et comme chez vous et chez moi, ces sensations évoquent pour lui des souvenirs. Et tandis que la vieille divise les rameaux, afin d'en décorer le logis, leur pénétrant parfum trouble le cœur du bonhomme. Il se rappelle un matin de Pâques fleurie, il y a longtemps, quand il était encore compagnon, et quand sa femme faisait des journées comme couturière. Ils étaient encore en pleine lune de miel, car ils s'étaient mariés peu de jours avant le carême. Comme aujourd'hui, elle avait apporté, en revenant de l'église, quelques branches de buis dans leur pauvre et unique chambre, et les avait suspendues au-dessus du lit nuptial. Qu'elle était gentille, et comme il l'aimait. Et par un rapide effort de mémoire, il revoit, en un instant, leurs longues années de vie commune, pendant lesquelles elle a été si laborieuse, si économe, si dévouée. C'est pourtant cette bonne femme-là qui l'a fait souffrir à cause de leur mauvais fils. Mais est-il si mauvais? Sans doute, on doit honorer ses pères et mères et leur obéir. Pourtant, ce sont peut-être des excuses pour bien des fautes que la jeunesse et l'amour. En ce moment, la vieille femme qu'il suit d'un œil ému a pris un brin de buis, s'est approchée de la muraille, a levé les bras, et voici qu'elle attache le petit rameau au-dessus de la photographie de leur Édouard en collégien, du temps qu'il avait tous les prix et qu'ils étaient si fiers de lui. Ma foi, il ne sait plus où il en est, le vieux maçon. La tête lui tourne, l'odeur du buis le grise, d'une bonne griserie de miséricorde et de générosité. Il va vers sa femme, lui prend les mains, et après un regard jeté sur le portrait, il murmure de sa rude voix soudain rouillée. « Dis donc, Clémence, si nous lui pardonnions... » Ah ! Le cri de joie lui sort des entrailles, à la maman. Et son homme, qu'il appelle Clémence, comme dans leur jeunesse. Il y a plus de 15 ans qu'il ne lui a donné ce nom-là. Elle comprend qu'il l'aime toujours, son vieux camarade. Elle lui saute au cou, l'embrasse éperdument sur toute la figure, lui prend la tête à deux mains, lui parle à l'oreille. Car elle n'a pu y tenir. L'autre dimanche, elle est allée voir leur fils. Il est si malheureux de les avoir offensés. S'il n'est pas venu 100 fois leur demander pardon, c'est qu'il n'a jamais osé. « Et tu sais, » ajoute-t-elle, et sa voix se veloute et se fait caressante, « tu sais, j'ai vu sa femme. » Il ne faut pas non plus lui en vouloir, je t'assure, si mignonne, jolie comme une rose. Elle adore notre Édouard, ça se sent tout de suite. Elle tient si bien leur pauvre ménage. Son passé, je sais bien, mais puisqu'Édouard l'aime ainsi, dans le petit monde, et nous en sommes du petit monde, on n'est pas si sévère. Et puis je vais tout te dire. Elle est enceinte depuis 3 mois et nous serons bientôt grands-parents. Mais il est oppressé, le père Bourgueil, il étouffe. Et mettant ses gros doigts tremblants sur la bouche de sa femme, « En voilà assez, la mère. Fais mettre 4 couverts, envoie chercher un fiacre. Tiens, portons-leur un de ces rameaux en signe de paix et ramenons-les déjeuner ici. » Et tandis que la maman, comme assommée de bonheur, défaille en sanglotant sur la poitrine de son mari, le père Bourgueil, où est-il le Romain, où est-il l'ancien Brutus, se met à pleurer, à son tour, comme une vieille bête. Ainsi s'achève L'odeur du buis de François Coppée.